pour les enfants du bled, j'plaide pose un crash à national. J'suis pas là pour faire joli, j'laisse balader mes balles. En exil, plutôt politique, asile. Français sur papier, mais nègre dans la ville. Comme le cousin des îles, on nous isole. Dans le béton, nos œufs deviennent usines. Où on extrait les quelques saints qui brillent comme Zinedine. On sape les hommes qui zooment, les faits sociaux, le boom est éminent. Ça sent le sang l'an 2000, un sale millésime. Les âmes victimes, zone sous les flèches. Le loup s'exprime comme l'agneau, mais je crois que c'est nos blessures qui lèchent. Allume la torche, approche, Max sous le porche. Marianne flirte avec le cornier, ça fait longtemps qu'elle n'a plus ses douches. Donc si je touche à la matrice d'une France profonde, c'est pour extraire la graine mal former d'une pure souche. Donc sache que je songe au mouvement des masses. Depuis que l'homme brave des masses de glace, cherchant l'espace, étant espèce avant d'être race. Depuis qu'il voyage, il laisse des traces en nous classant race. Mais dans laquelle classe tu le métissage? Tout n'est que choc de culture et de coutume. De religion, les miennes j'assume. Bien que l'arrière-pousse soit l'amertume du bitume. Oui, je pionce sous les faisceaux qui m'offensent. Mais non, tu friches. Pourquoi j'ai autant de Mohammed que de Mohamed en zonce? Ou d'expulser terre d'accueil avant que Marianne porte son deuil. Ferme pas l'œil, un borgne, ça fait pas le clin d'œil. Allume la torche, approche, Max sous le porche. Marianne flirte avec le borgne, ça fait longtemps qu'elle n'a plus ses dush. Allume la torche, approche, Max sous le porche. Marianne flirte avec le borgne, ça fait longtemps qu'elle n'a plus ses dush. Donc si je touche à la matrice d'une France profonde, c'est pour extraire la graine mal formée d'une pure souche. Allume la torche, approche, Max sous le porche. Marianne flirte avec le borgne, ça fait longtemps qu'elle n'a plus ses dush. Donc si je touche à la matrice d'une France profonde, c'est pour extraire la graine mal formée d'une pure souche. De l'ex-colon, aujourd'hui exploiteur du bled qui donne sa tronon. Pour que demain on lui donne l'heure. Pour l'heure, je vois que le tirailleur qui tire ailleurs. Pour la France, voir ses mômes sous la menace d'une tyrannie. Donc si je tire ailleurs, que sur les tâches du siècle escalderont. Et quel que soit le prix qu'on racle, faut qu'on casse le cycle qu'on revise le pas de l'homme en quête d'une terre promise. Gardez le bon et corrigez toutes les erreurs commises. Tous les exodes qui se soldent en servitude. Combien de villes vont-ils bâtir avec la sueur des peuples du sud? Sachons dire non. La banlieue n'est pas malade, non. Elle cherche reconnaissance comme même si qui n'a pas, non. Sachons dire non. Pour que l'histoire se répète pas, non. Pour faire valoir nos droits, valeurs et opinions. Sachons dire non. Que l'opinion devienne publique, nous continuons la lutte. La force viendra de l'union. Sachons dire non. Et notre union viendra du fait que nous saignons sous les flèches d'Élysée Matignon. Sachons dire non. Pour que l'histoire ne se répète pas, non. Pour faire valoir nos droits, valeurs et nos opinions. Sachons dire non. Que l'opinion devienne publique, nous continuons la lutte. La force viendra de l'union. Sachons dire non. La banlieue n'est pas malade, non. Elle cherche reconnaissance comme l'MC qui n'a plus. Putain, mais merde. Non, mais pourquoi ils baissent la musique? Eh, hey, mais que je n'ai. Est-ce que on leur a demandé de baisser la musique? Mais non. Est-ce que on leur a dit quand est-ce que le morceau est fini? Mais non. Non mais attends, je suis venu pour dire non aux peines, non aux pines qui nous gouvernent, non. À tous les murs qui sont dressés pour nous faire taire, non. À leur système, non. À leur programme, non. À chaque droit chanté pour chaque homme, sachons dire non. Les hommes nés de second ont droit, ici nos droits s'acquièrent comme le pouvoir. Prends-le, on va pas te le donner, non. Faut pas t'étonner, non. Si nous on lutte, si nous on chute, si on discute, si nous on se bute, ils nous abandonnent. Allume la torche, approche, Max sous le porche. Marianne flirte avec le cornier, ça fait longtemps qu'elle n'a plus ses dèches. Donc si je touche à la matrice d'une France profonde, c'est pour extraire la graine mal formée de pure souche. Allume la torche, approche, Max sous le porche. Marianne flirte avec le cornier, ça fait longtemps qu'elle n'a plus ses dèches. Donc si je touche à la matrice d'une France profonde, c'est pour extraire la graine mal formée de pure souche. Allume la torche, approche, Max sous le porche. Marianne flirte avec le cornier, ça fait longtemps qu'elle n'a plus ses dèches. Donc si je touche à la matrice d'une France profonde, c'est pour extraire la graine mal formée de pure souche. Allume la torche, approche, Max sous le porche. Marianne flirte avec le borgne, ça fait longtemps qu'elle n'a plus ses dèches. Donc si je touche à la matrice d'une France profonde, c'est pour extraire la graine mal formée de pure souche. Allume la torche, approche, Max sous le porche. Marianne flirte avec le borgne, ça fait longtemps qu'elle n'a plus ses dèches.